contacté un beau matin. Le petit Franco, un gars malsain. Oui, mais moi, je l'apprécie quand même. Oui, car je crois bien qu'il m'aime. Il aime les chouilles et les tétons de mes copines, ce petit con. Oui, mais moi, je l'apprécie quand même. Oui, car je crois bien qu'il m'aime. Franco a pris des Franco sourit. Un été il fut amoureux d'une vraie connasse, il lui en veut. Oui mais moi je l'apprécie quand même. Oui car je crois bien qu'il m'aime. Hélas vu qu'il est bipolaire, il pourra jamais s'en extraire. Oui mais moi je l'apprécie. Oui, car je crois bien qu'il m'aime. Franco a pris des coups, mais Franco est debout. Franco a des soucis, mais Franco sourit. Allez ! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Merci.